clairement, mais a priori. Ah, mais merde, ce métronome. Ouais, et en fait, l'entrée stéréo, en fait, tu mets. C'est pas mieux. Non mais pourquoi pour la voix? Non mais c'est très bien en fait, c'est très très bien. C'est juste si tu oui, je t'ai dit convalescence parce que pendant après l'opération, j'ai fait que faire du jam tabac. Bah moi j'ai pas le choix, j'ai que l'input 1 plus 2 en fait. Merci de me préciser. Et si comprenez. Mais je suis en mono là. Voilà, c'est ça. Il faut que tu mettes faut que tu mettes la 1 à gauche et tu crées un sous-canal et tu mets la 2. Ça te fait deux. Tu peux mettre un mic à gauche et la guitare à droite. Et après on met le métronome. Je peux pas choisir 1 et 2. Non, je peux pas créer sous-canal déjà. Qu'est-ce que tu veux jouer? Moi, je peux plus trop jouer de drum parce qu'il y a je sais pas pourquoi. Donc, je vais. Ah bah, fais ta popote. Et moi, je crois que je vais me boire une petite bière. Et là, c'est pas mieux là, Kif? T'es pas en stéréo là? Ah bah, ouais, non, pas de drum. Mais j'y arrive pas, moi il y a des cercles de partout, invert stéréo, c'est marqué maintenant, ça m'énerve. C'est la panique. Comme ça sert à très bien. On va changer de salle, kiff, non?